Heart and Soul avec nos acolytes et plus particulièrement ce soir notre ami Huggington. Heart and Soul tous les mardis de 18h à 19h présenté par Timothée Milton, Huggington et Guillaume. Heart and Soul qui arbore toujours un sourire magnifique. Hello Guillaume. Comment ça va? Bah, ça va bien et toi? Eh bah, très bien. Est-ce que tu vas passer un bon week-end? Très bon week-end, malgré quelques petites désillusions dans le quelques week-end. Quelques petits accros, voilà, ouais. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais dans l'ensemble, le week-end fut bon. Très bien, alors ce soir, pas mal de choses. Est-ce que franchement, il y aura alors l'interview? Donc j'annonce en plus tout à l'heure. En général, j'annonce jamais. Là, je me suis dit, tiens, je vais l'annoncer un petit peu à l'avance. Et merde. Eh bien, apparemment, ouais, j'ai pas eu de nouvelles de Fabrice. Enfin, il y a peut-être eu une petite, petite malcompréhension sur la chose. On remettra peut-être ça la semaine prochaine ou en tout cas dans les prochaines semaines. Ouais, ou alors il pourra peut-être appeler d'ici un quart d'heure, 20 minutes par exemple. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Alors ce soir, justement, des nouveautés, forcément. Les nouveautés de la semaine, comme chaque semaine, avec le coup de cœur aussi de la semaine. Une petite présentation d'artiste, on va parler de James Curd. On va ensuite parler d'un label, le label Rob Soul, le label français parisien que beaucoup d'amateurs de house connaissent. Ouais. Et on finira par une petite présentation du Decadence, un club de Belgique qui fait parler de lui depuis un bon bout de temps maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas. Puis on l'agenda de la semaine classique pour tous ceux qui veulent bouger. Et enfin, on se terminera par un petit track Remember pour le plaisir des plus anciens. Très bien, un bon programme bien alléchant. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Heart and Soul. Heart and Soul. Et on commence tout de suite par la première news. Hein. Un de mes artistes préférés du moment, d'ailleurs très sympathique, qu'on a rencontré à notre soirée Heart and Soul à Miami. Ouais. Il s'agit de Ralph Gum, accompagné cette fois-ci de Rachel Claudio, une charmante demoiselle qui a un vocal vraiment terrible. Enfin, là-dessus, d'ailleurs, on l'entendra pas parce que c'est la version dub. D'accord. Avec le titre If No Arms, c'est le remix de Jinx. C'est sur le label de Ralph Gum, c'est le label Gogo Music, et c'est dans Heart and Soul. Galaxie, la première news de la soirée dans l'émission Art & Soul en direct depuis 18h maintenant avec Guy Anton ce soir qui nous accompagne. C'était Ralph Gomme et Rachel Claudio avec le titre If No Arms. C'était de la version dub sur label Gogo Music. Gogo Music est un label allemand. Oui. D'accord. C'est disponible en vinyle. C'est une promo. C'est une promo. Ça va sortir dans 2 semaines. À mon avis, ce sera en digital et en vinyle aussi. Si vous voulez plus d'infos, www.gogomusic.com. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi consulter le track listening de l'émission sur le forum de Galaxy, forum.galaxyfm.com. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. Et on enchaîne sur la deuxième avec un track qui sent un peu le soleil. Là, ça sent le soleil. Voilà. C'est bon ça. Avec Fury Freaks, avec au vocal Terra Deva, avec le titre All Over the World. C'est le remix de Adjazz, c'est la version dub, c'est sur le label Defected. Et c'est tout de suite. Et c'est bon d'ailleurs. Thank you. Galaxy avec un instant la dernière, deuxième news de la soirée Furry Freaks with Terra Deva avec une très jolie voix. Yeah man, all over the world sur le label At Jazz. C'est At Jazz Dub. Et Timothée a oublié le label Defected quand même. D'accord, c'est ça, je me disais bien aussi. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. La troisième nouveauté, on revient du côté de la France avec DJ Fudge, un artiste maintenant qui s'expatrie à Barcelone et qui est d'origine française. D'accord, on aura peut-être l'occasion de l'interviewer dans quelques semaines. C'est bien possible, ouais. Pourquoi pas. Quelqu'un de très sympathique en plus, qui forme d'ailleurs le groupe Troubleman, que tout le monde connaît. D'accord, également. Ouais. Avec le titre Souvenir, je pense que c'est plutôt parce que le morceau sonne assez old school. C'est sur son label, le label Kif Recording, label de Paris également, et très bon label français, très sax d'ailleurs le morceau. D'ailleurs, il arrive. Écoute bien. voici la troisième news de la soirée avec un français, un DJ Fudge. C'est bien ça, ouais. Avec le titre Souvenir sur label Kif Records, c'est son label, son propre label. C'est un label qui tient avec l'autre partie des Troublemen, Bruno Banner. Exact. Les meilleurs nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. C'est parti pour la quatrième nouveauté. La bassline est déjà très, très haute. D'ailleurs, ça a failli être le coup de cœur. J'hésite entre les deux, parce que c'est vraiment une grosse production. Ah ouais. Donc, c'est Danism featuring Sean Williams avec le titre Trouble in Paradise, remixé par Conan. Pas le barbare, mais je sais que t'allais sortir. J'étais sur le point, j'allais le lâcher. Et non. Ça sent le gros son, un bon retour de dance floor. J'ai déjà pu le tester le week-end dernier et ça a bien fait son petit effet. Ouais. C'est sur le label Tony Records. On a déjà présenté ce label, le label de Tony Humphries. C'est du gros son et on peut se le passer en boucle, en boucle, en boucle. Je pense qu'on est obligé de danser là-dessus. Et il faut monter le son tout de suite dans la mission Art and Soul. We'll be right back. and Soul. Galaxy avec un instant la quatrième news de la soirée. C'est vrai que ça sonne très très bien. Hein. En club, ça, j'imagine que ça doit être vraiment efficace. Avec un bon son lourd comme ça, ça peut être que... efficace. En tout cas, on va garder à l'œil notre ami Conan, hein, qui fait Conan, je ne sais pas. Enfin, bon, on ne va pas le perdre de vue, celui-là. Donc, c'était Trouble in Paradise avec le danisme et la voix de Sean Williams. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. Le coup de cœur de la soirée. Avec The Jinx, d'ailleurs on en reparle, parce qu'on avait parlé en premier, c'était un remix de The Jinx. Ils sont très productifs cette semaine. Ouais. Avec le, donc c'est The Jinx featuring Ren Washington, le titre Wiggle, un titre très dance floor encore une fois. C'est sur leur label, le label Jinx INC. C'est dispo sur Tracksource et c'est déjà très bien placé, on comprend pourquoi. Et c'est encore une fois une exclusivité Art and Soul, parce que ça ne sort que dans deux semaines. Makes me wanna go, oh, oh, oh. Singing, oh, oh, oh. The way you wiggle that ass every time you pass. Ah bah ça termine vraiment bien ce morceau-là. Hein. Le coup de cœur, je comprends que c'était le coup de cœur. Hein. Très bonne rythmique, bon saxo, je sais pas ce que c'est exactement, mais pas mal du tout. Hein. C'est bien, ça s'écoute. Très bonne sélection, mon petit Gunton. Donc c'était The Jinx avec Fit Ren Washington et le titre Wiggle sur le label Jinx Inc. Et n'oubliez pas que la playlist, vous pouvez la retrouver sur le forum de Galaxy, forum.galaxyfm.com. Guy, on se retrouve d'ici quelques instants. Je te laisse parler à ton petit agenda préféré. Ah oui. Et il commence tout de suite avec une exposition qui a lieu justement sur la ville de Waterloo jusqu'au 31 août du côté du musée des arts et traditions populaires. Vous découvrez toute l'histoire de la musique justement, ça tombe bien, c'est à Waterloo et ça commence des années 1800 à aujourd'hui. L'entrée est gratuite et souhaitez des renseignements 03 20 80 59 50 pour en savoir davantage. Et n'oubliez pas que si vous avez des informations à nous faire parvenir, que ce soit concernant la vie associative, la vie culturelle ou encore la vie sportive, eh bien rien de plus simple, info@galaxyfm.com ou encore par téléphone au 03 20 83 57 57. N'hésitez surtout pas. Toute l'actu de vos labels et artistes préférés sont à découvrir maintenant sur Galaxy. Alors, nous n'avons malheureusement pas pu joindre notre ami Fabrice Ligue, mais ce sera reporté à une prochaine fois. Oui, on va remettre ça très vite. C'est pas un souci. Donc on referme la parenthèse, mais par contre, on va s'intéresser justement à l'artiste de la semaine. Voilà, on va parler de James Curd, un jeune homme issu de Chicago. En fait, il fait partie d'un collectif qui va parler à beaucoup de monde, c'est le collectif Greenskeepers. D'accord. Donc, ah, oui. De gros producteurs qui a un son très particulier. Donc James Curd est l'un des fondateurs du groupe. En fait, sa carrière a commencé donc à Chicago en début des années 90 où à l'époque il était plus ou moins très jeune et il a eu directement l'opportunité de s'exprimer avec Derek Carter au platine directement. Donc je pense que c'est plutôt un bon début que de commencer avec un acolyte comme lui. Ensuite il a fait la connaissance de Nick Morer, un artiste musicien qui composait un peu à l'époque, et ils se sont mis à deux. Ils ont fait justement un titre à l'époque qu'ils ont appelé Should I Think Like This, ouais. Ils ont pris le pseudonyme des Greenskeepers, et ce titre là a vraiment lancé leur carrière, vu que on a reconnu directement leur son, vraiment beaucoup d'instru, un gros son à la basse, c'est de la vraie basse en plus, donc avec les vrais instrus ça sonne différent directement. À la ghosté quoi, c'est pas pareil que le synthé. Hein. Tout à fait. Donc ils ont eu tout de suite un très gros support, même d'ailleurs d'après le premier titre, les Rolling Stones en ont même parlé en disant que ça changeait un peu de la musique électronique habituelle, donc c'est plutôt une bonne référence aussi. D'ailleurs après il est parti un peu dans l'époque tout ce qui était G-Swing, donc un mélange de house avec des sonorités de jazz des années 60, un peu un son aussi qui a bien tourné du côté de Chicago, que pas mal de monde jouait. Donc il s'est fait vraiment un très gros nom. Il est venu s'installer à Berlin pour s'expatrier un peu du pays américain, où justement il est venu accompagner Nick Morer. Mm-hmm. Ils ont été vraiment très productifs, ils ont sorti deux albums. Le premier c'était Polo Club, si je ne m'abuse, ou Pitch. Et ensuite il y a eu Polo Club, avec beaucoup de remix, donc Derek Carter, etc. Nick Chacona aussi. Et très vite, ça a été le buzz quoi. Même ils ont fait la BO de Grey's Anatomy d'ailleurs. Ah ouais, carrément. Avec un extrait de Bleach, c'était la saison 2 je pense de Grey's Anatomy. D'accord. Donc dans la BO et tout ça. Et pareil, là, il y a un nouveau jeu vidéo qui est sorti, Grand Theft Audio, le volume 4. C'est eux qui font aussi les instrus et tout ça dessus. Mm-hmm. Donc ils sont bien reconnus internationalement. Et puis en tant que DJ, j'ai eu l'occasion de le voir cette année à Miami, à la OM Party. Et c'était vraiment très bien aussi. On reconnaît bien ses influences. Et je les ai vus en live il y a 2 ans. Tout le groupe, donc le bassiste, le chanteur et lui au platine. Et impressionnant. Vraiment, ça a vraiment top. Tout déchiré. On va parler comme il ça. Il en est encore sous le coup de l'émotion. Tout à fait. Un très bon souvenir avec Simaï d'ailleurs, on en parle encore souvent. D'accord. Et donc justement, là en ce moment, il est très productif. Il a signé en très peu de temps sur les labels comme Aroma, OM Music. Et puis on va écouter d'ailleurs une de ses dernières sorties, c'était sur le label Drop. Je suis très efficace, on reconnaît bien sa petite touche au James Curd, le petit vocal qui arrive, un bon sample aussi d'un certain Eminem, bonne ligne de basse, et puis ça à découvrir tout de suite. C'est dans l'émission Art and Soul. Soul. Just think.

Voici avec un instant l'artiste de la semaine, James Cord. C'est ça qu'on dit ? C'est bien ça, bon, James Cord. Je ne me suis pas trompé avec le Buffalo Girl à l'instant sur la belle Drop Records. Une adresse internet peut-être pour notre ami James Cord ? www.myspace.com/JamesCord et sinon www.greenskippers.com. Impeccable. Toute l'actu de vos labels et artistes préférés sont à découvrir maintenant sur Galaxy. Alors, on va rester dans le même créneau, hein. Ah bah quand même. On va partir un peu plus funky aujourd'hui. On va présenter un petit label français, hein, une fois n'est pas coutume, avec le label Rob Soul. Beaucoup d'amateurs de house doivent connaître. Donc c'est Phil Wicks qui en est le créateur depuis 2000 maintenant. D'accord. Donc ça va faire 8 ans. Un label qui a bien son, qui part un peu des fois dans la acid house, des fois un peu plus tech house, des fois carrément funky, d'autres fois un peu plus deep. Donc vraiment une grande sélection, un grand catalogue de styles. Voilà. Donc on est toujours surpris quand on achète un Rob Soul, on sait jamais sur quoi on va tomber. Les derniers se ressemblent un petit peu, sont toujours dans le même esprit, mais c'est comme une boîte de chocolat. Voilà. On sait jamais sur quoi on va tomber. Non, j'ai pas vu Forrest Gump il y a pas longtemps, avec. Guillaume, fan de Forrest Gump. C'est faux. Moi, je suis à fond dans les experts, hein, c'est tout. Ça se voit. Donc, à ce jour, ils sont à leur 63e sortie, donc label plutôt productif, avec aussi une subdivision. En fait, à peu près tous les mois, il sort un limited sampler. C'est juste un pressage de 500 vinyles avec 4 artistes différents sur l'EP. Et donc, il y a pareil. Là, il élargit un peu plus au niveau des gammes musicales, mais ça reste toujours house, c'est toujours dans l'esprit Rob Soul. Et souvent, ça fonctionne bien. D'accord. Donc, au niveau des artistes, c'est assez éclectique aussi. Donc on retrouve Phil Wicks, bien sûr, qui signe pas mal de productions dessus. Il a même sorti un album, son premier dessus, d'ailleurs, que je conseille aux auditeurs. On retrouve ses potes, hein, David Durier, Chris Carrière, des Parisiens. On trouve DJ Sneak, qui a signé aussi beaucoup de prod là-dessus. Tout récemment, le Mike Dunn, donc c'est un artiste de Chicago de l'ancienne époque, qui est très très bon. Il a signé aussi Paul Woolford, Toka Project, J.T. Donaldson. Si vous voulez plus d'infos sur le label, c'est www.robsoulrecordings.com. Vous voyez le back catalogue. Il y a même un shop où vous pouvez acheter les t-shirts, tout ce qui touche au label et même à Phil Wicks, suivre son agenda, etc. Et je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a un lien entre le label Rob Soul et le label Brique Rouge? David étant un très bon pote de Phil, au début, je pense qu'il me semble que David donnait un coup de main à Phil au niveau de la gestion du label. Puis après, il s'est envolé de ses propres ailes. Porter les caisses, qu'est-ce que vous dites? Voilà, je pense que ça doit être ça, ouais. Alors, mais en fait, ils se remixaient beaucoup entre eux sur les labels, etc. Donc, à mon avis, ça doit être des labels, on va les appeler les labels cousins. D'accord, c'est pas mal. Même si maintenant, au niveau des productions, ils sont carrément partis dans des styles différents. Mais on peut dire que l'esprit parisien est là. D'accord, impeccable. Donc on va écouter une des sorties qui a très bien marché. C'est le Mike Dunn dont je vous parlais, avec le titre Freaky Motherfucker. On va dire Freaky MF. Yes. Pour les anglais, hein. Donc c'est sur le label Rob Soul. C'est dispo depuis 2-3 mois maintenant. Ouais. Avec la petite voix sexy. Yeah, j'entends. Il parle de toi, Guillaume, là. C'est toi, non. Avec un sourire comme ça peut être que toi. C'est Marjorie qui va être contente de nous écouter, ouais. Allez, un petit bubble rum dans la boîte à gâteaux. I don't wanna be a freak, oh, but I can't help myself. Say what? I don't wanna be a freak, but I can't help myself. Say what? I don't wanna be a freak, but I can't help myself. Say what? I don't wanna be a freak, but I can't help myself. Oh, I don't wanna be a freak, but I can't help myself. I can't help it. I don't wanna be a freak, but I can't help myself. I can't help it. I don't wanna be a freak, but I can't help myself. I can't help it. I don't wanna be a freak, but I can't help myself. Help it. I don't wanna be a freak, but I can't help myself. But I can't help it. I don't wanna be a freak, but I can't help myself. But I can't help it. I don't wanna be a freak, but I can't help myself. But I can't help it. I don't wanna be a freak, but I can't help myself. But I can't help it. Said we some freaking motherfuckers. Said we some a freaky motherfucker before. And if the motherfucker you with tonight ain't freaky, kick his motherfucking ass out the door. Now a freaky motherfucker will do anything. Lick your motherfucking ass from head to toe. He'll lick in your motherfucking pussy. He'll even turn around and lick the motherfucking back door. Now that's a motherfucking freaky motherfucker. We some freaky motherfuckers. Say we some freaky motherfuckers. Say we some freaky motherfuckers. Say we some freaky motherfuckers. Now a freaky motherfucker will turn you around to the back. Lift that ass up in the air. Spank that shit. Give it a little pat, you know what I'm saying? A freaky motherfucker will take saliva and put the fucking on the tip of his dick. Stick it in your ass, girl. Make you feel like you about to do a split. Now that's a freaky motherfucker. For ya. We some freaky motherfuckers. We some freaky motherfuckers. Now a freaky motherfucker will take whipped cream. Squeeze that shit all on your pussy clit. Take some motherfucking chocolate and spread it all over his dick. A freaky motherfucker will get down there and lick that shit right up. Wait for you to come. A freaky motherfucker will go get a cup. Now that's a freaky motherfucker. Said we some freaky motherfuckers. Yeah, a freaky motherfucker. If you ain't never been with one, you need to go find one. You might be dancing with one. Now freaky motherfucker will turn you out. Have you calling his motherfucking ass every day without a doubt. Telling you this, telling you that, just to come back and hit that cat. Freaky motherfucker. Said we some freaky motherfuckers. Galaxy avec à l'instant le sourire de Huggington qui vient de recevoir un texto. Je ne sais pas ce que c'était. Ah, c'est Matt le Matou. Le set de Gouttière. Hein. Il kiffe. Avec le label Robsol à l'instant. Mike Dunn, le Freaky MF. Je ne dirais pas pour nos amis anglais. Voilà. C'est marrant qu'ils utilisent toujours des noms comme ça en fait, les anglais, parce que nous personnellement on mettrait ça en français. On se dirait que c'est assez la honte de mettre des trucs comme ça. Et eux ils mettent. Bah ils ont le droit, hein. Ils se permettent tout. C'est vrai, c'est des dingues. Toute l'actu de vos labels et artistes préférés sont à découvrir maintenant sur Galaxy. On va parler un peu du Decadence maintenant. Ah bah quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc club très célèbre de Gand, qui fait bouger pas mal de monde depuis maintenant. Bah, je pense que ça doit faire les 11, ça doit être 11 ans. C'est peut-être un peu plus vieux même, je suis plus sûr de la date exacte d'ouverture. Mm-hmm. Mais bon, en tout cas, ils ont pris vraiment une politique musicale. Bah, pour moi, c'est une des références au niveau, au niveau clubbing en Belgique avec les autres grosses boîtes, mais vraiment c'est un petit c'est un tout petit club mais avec une capacité vraiment énorme, et tous ceux qui vont en général disent la même chose, il y a vraiment une ambiance hors du commun. Ouais, une ambiance de décadence on va dire. D'accord, ok. Tout est permis là-bas. Hein. Ah ouais, carrément. La sélection, ouais, faut vraiment le faire pour se faire refouler de là-bas. C'est juste en fait les gens viennent pour la musique et pour pas pour autre chose quoi. Alors, c'est quel genre de musique qu'on entend là-bas ? Bah il y a un peu de tout, donc rien qu'au niveau des résidents, il y a pas mal de sons, donc il y a une salle où ils diffusent du son un peu hip-hop. Il y a TLP qui est résident là-bas, qui est résident aussi au Culture Club. Il y a des jours où c'est carrément techno. On retrouve des DJ comme Marco Bailey qui viennent régulièrement jouer une fois par mois, même si maintenant c'est un peu plus partie minimale. Ouais. Mais on trouve vraiment pas mal de sons, aussi bien house que garage, soulful, minimal. Art and soul. Oh, art and soul, non. J'ai déjà été joué là-bas, mais ça reste très flamand quand même. Hein. D'accord, ok. Donc tu comprends pourquoi je dis ça. Je ne dis rien. Donc les résidents, je vais juste vous parler un peu des résidents vite fait. Donc il y a Yamo qui est très spécialiste de la house et de la deep house. Un peu de, justement, je pense qu'il aimerait bien écouter l'émission Art and Soul. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment son esprit musical. Il y a Prince du Café d'Anvers, donc il joue lui un peu plus tech house. Il y a aussi Jens Holmes qui joue un peu plus minimal. Et donc, après dans les autres salles, donc il y a TLP Ragamuffin pour tout ce qui est hip hop, raga. Et franchement, je suis allé une fois quand c'était une session hip hop et j'ai passé une bonne soirée. C'était bien ? C'était très bien. Clientèle ? Classe ou normal ou... Normal, urban on va dire. D'accord, urban. Vraiment ceux qui kiffent le son et il n'y a pas de souci, ils peuvent venir écouter leur son tranquillement et dans une bonne ambiance, je tiens à le préciser. D'accord. C'est quand même... Donc sinon en guest régulier, on peut pas les appeler non plus résidents, mais qui viennent quasi tous les mois. Donc il y a Raoul, Dr Electrolove, Marco Bailey, qui ont vraiment beaucoup d'impact dans la région et qui sont vraiment très reconnus là-bas. Au niveau des guests, une petite sélection vite fait. On a retrouvé Jeff Miles, Josh Wing, Green Velvet, Derek May, Jamie Jones, Derek Carter, Clive Henry. Donc vraiment pour dire qu'il y a vraiment une éclecticité, je sais pas si ça se dit. Ouais, je crois. Je vais dire que ça le dit, je dépose le mot s'il faut. Ça y est, Guy refait le dictionnaire. Voilà, on m'appelle le petit Robert. Ça, c'est Mathieu de Recordmania qui m'appelle comme ça. Alors Mathieu Recordmania, Marjorie Barbera, mais attends, mais c'est le festival. On dit bonjour ça. À tout le monde, c'est ça. C'est la fête. Et aussi à, comment il s'appelle, Nico de l'Escape. Ah, je sais qu'il nous écoute souvent, hein. Il est en tournée sur Villeneuve d'Ascq et il nous écoute de temps en temps. Hello Nico. Voilà, hello Nico. Donc c'est un club qui est ouvert du mercredi au samedi, donc avec des soirées tous les jours. Il n'y a pas de différence là-bas, on fait la fête tous les jours. Hein. D'accord. Et beaucoup de concepts en fait, c'est surtout le secret du Décadent, c'est qu'il y a pas mal de concepts. Donc il y a le concept Wild Family, dont je fais partie avec Igor et toute la clique. On retrouve souvent une grande salle minimale et une salle un peu plus tech house. Mm-hmm. Il y a aussi les soirées Cadenza qui sont très connues, où il y a vraiment là tous les artistes house qui sont passés, et la soirée We Play House. Puis il y a d'autres artistes genre 100% qui sont vraiment des styles plus différents, minimal, tech house, techno, donc vraiment une large palette de couleurs on va dire. Très bien. Donc plus d'infos, www.decadence.be. Et on va se faire tout de suite une idée du son qui se diffuse là-bas avec The Jinx. Un bon gros son. Hein. On retrouve encore The Jinx. Allez, pour la troisième fois ce soir, tiens. J'attends mon chèque, hein, les The Jinx, si vous m'écoutez. Ouais, t'en veux quelques promos. Ah, je pense. Bon, c'est ce qu'ils font déjà. Donc, voilà. Avec le titre Man Up, remixé par Tiger Stripes, artiste que j'affectionne particulièrement. C'est toujours sur leur label, Jinx Inc., dispo sur TrackSource. Si vous voulez plus d'infos, donc sur le Decadence, www.decadence.be. Et juste après ça, on vous parlera de l'agenda des soirées pour ce week-end. aussi avec à l'instant un titre qui reflète un petit peu l'image du Decadence, c'est ça? C'est bien ça, Guillaume. J'ai dit le mot refléter. Hein. Donc, petite rectification. C'est quand éclectisme. Même, voilà. Merci Yanis. Hein, pour la... Mais bon, je vais quand même envoyer ça au petit Robert parce que je suis pas d'accord. Voilà, Guy pose une réclamation. En tout cas, si vous avez plus d'informations sur cette boîte en Belgique, le Decadence, eh bien, Guy va vous rappeler l'adresse internet. www.decadence.be. Le meilleur du clubbing et l'agenda des soirées, c'est tout de suite dans Art and Soul. Art and Soul. Alors, même refrain, comme d'habitude, si vous n'avez rien à faire ce week-end, eh bien, attendez bien vos esgourdes. Vos esgourdes, tu vois, je l'ai dit aussi. Guy va nous communiquer les principales soirées ce week-end. Donc, ce jeudi 15, du côté du Platinum Club à Lille. Nouveau concept d'un ami à moi. Donc, un petit Guillaume aussi. Un petit Guillaume aussi. Que je salue également. On le salue au passage, je ne sais pas s'il nous écoute. Donc, c'est les soirées Jokers. Ça va se passer tous les jeudis avec un son qui va varier de la Deep House à l'électro un peu plus. Et... donc ce sera avec donc les résidents d'Aguirodan, donc c'est Guillaume, et Diego, mais le troisième je ne me rappelle plus de son prénom, mais bon il m'en voudra pas je pense. Je crois que c'est Arrobase, c'est bien ça, Arrobase. Et donc ce jeudi, bon j'aime pas faire de la promo, mais bon j'y serai pour l'inauguration. Et donc ensuite ce sera tous les jeudis, pour tous ceux qui sont dans le coin les jeudis, qui ne savent pas quoi faire sur l'île. Il y aura de la musique de qualité le jeudi soir, donc n'hésitez pas à vous déplacer. Et bien voilà. On part sur le vendredi 16 avec la soirée Hotel Funk volume 3 avec DJ Yellow qu'on retrouvera du côté du June à Paris. On part en Afrique avec la soirée For Kenzo. Ah, je crois que tu avais parlé de Kevin. Ah non, Kevin, non. Avec Mastic Soul qui sera du côté du club Don Q, donc c'est en Angola. On revient en France, hein, vraiment, on voyage dans l'agenda. Ah, c'est bien. Du côté de Bordeaux, au 4 Sens qui recevra Martin Solveig et notre ami Alex M. Ensuite, samedi 17, on part en Angleterre maintenant, hein, du côté de la Fabrique. Attends, je viens de me prendre un coup de soleil en Afrique, là, je mets de la crème. Tu veux que cela passe? Non, ça va aller. On retrouvera un de tes compatriotes, Guillaume. Donc de Bobby and Pine, ouais. Avec JT Donaldson, Abbe Duke, Fred Everything. Donc c'est à la Fabrique à Londres. Toujours à Londres, du côté du As No As, Rekid et Luc Solomon pour un son un peu plus tech house. Enfin, on vient en Belgique, hein, du côté du Dirty Dancing de Bruxelles, avec la soirée Joachim Story. On retrouvera Joachim du label Versatile et Cozy Mozy. Au Decadence à Gand, D-Tron pour la soirée We Play House avec les résidents Red D. Très bon artiste, D-Tron. J'adore. À ce qui paraît, techniquement, c'est un monstre. Donc, si vous savez pas quoi faire, eh ben voilà. Faut pas hésiter. Gand, c'est à 50 km. On retrouvera du côté du Fuse Shanky, donc artiste plus minimal pour les amateurs. Et enfin, sur Paris, du côté du Red Light, la Hypnotic Party versus Brique Rouge avec Fafa Monteco, Lorca et David Durier, les boss respectifs des labels. Et pour finir le week-end, un petit T-Dance le dimanche. Du côté du June avec la Dance Culture et Greg Gauthier au platine. Impeccable. Vous allez pouvoir aussi retrouver ces informations sur le forum de Galaxy, forum.galaxyfm.com. Et puis on vous rappelle une nouvelle fois le MySpace de l'émission, www.myspace.com/artandsoulsound. Art and Soul, présenté par Timothée Milton, Guy Anton et Guillaume. Art and Soul. Je crois que le souvenir, on va le mettre à 19h pile. 19h pile, comme ça, hein, sur des bornes un petit peu, on sait qu'à 19h, voilà, on est encore dans les temps, on peut s'écouter le souvenir. Alors, le souvenir de la soirée, quel est-il? MD Express, God Make Me Funky. No, God Make Me Funky. God made me funky. And and I'm just glad he made me that way. Cause you gotta get ready. Don't let that bus pass you by. You know what I'm saying? Soul brothers, soul sisters. Put your fists in the air, saying yeah. Something on a real old school tip. Oh yeah. You know, all I can say is that God made me funky, and I'm glad he blessed me that way. Yeah. Now that's what I'm screaming. You know, we gotta get together, clean up the neighborhoods, make it better, make it all good. And it starts within. You know, it's time to put up or shut up. You know, we gotta make a change somehow, some way. As my man Visual would say. Oh yeah. You know that God made me funky. And I'm glad he blessed me that way. Yeah. Get up for the downstroke. And once again, well, all right, you squares. Yeah. It's time to move on, groove on, before you get loosed on. You know God made me funky, and I'm glad he made me that way. Yeah. Taking off on that spaceship up to, you know, the funkiness. Galaxy, vous êtes à la fin de l'émission Art & Soul. Et oui, vous avez beau regarder votre monde, 19h05, vous dites ça y est, c'est terminé. Eh bien non, on spamme encore l'antenne. Eh oui. Bonne émission hein, quand même. C'est bien passé vite, Guillaume. C'était trop vite même. Bon, on salue d'ailleurs notre ami Timothée qui n'était malheureusement pas là ce soir. Il sera là néanmoins la semaine prochaine. C'est bien ça. C'est bien ça. Il avait d'autres choses à faire, plus importantes. Plus importantes et plus importantes. Je tiens juste à signaler au passage, donc pour tous ceux qui sont au courant ou qui ne le sont pas encore, ce qui m'étonnerait, c'est que les soirées éphémères ont été annulées suite à divers problèmes administratifs indépendants de notre volonté, on va dire. C'était pas de notre faute. Voilà. Donc, contrairement à toutes les rumeurs qui circulent ou quoi que ce soit, vous écoutez les rumeurs que vous voulez, mais on sait souvent d'où ça vient et comment ça finit. Donc, nous au moins, on est au courant, on était droit dans nos bottes et on mettra ça peut-être à une date ultérieure. En tout cas, le concept a été annulé et on en est les plus triste. Bien sûr. On va quitter quand même cette émission sous une note de soleil, hein, Guillaume. Exactement. Allez, on va se manger un petit Vicky Burger. Allez, c'est parti. Je vais mettre un CD mixé et puis on va y aller après. C'est parti. Merci à tous. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, même heure. On a l'impression de déjà d'y être. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Allez, à la semaine prochaine, Vicky. Salut.